Chapitre 37e, ni coiffeur, ni robe, ni carrosse. Il eût été de mauvais goût que Madame du Barry partît de son appartement de Versailles pour se rendre à la grande salle des présentations. D'ailleurs, Versailles était bien pauvre de ressources dans un jour aussi solennel. Enfin, mieux que tout cela, ce n'était point l'habitude. Les élus arrivaient avec un fracas d'ambassadeurs, soit de leur hôtel de Versailles, soit de leur maison de Paris. Madame du Barry choisit ce dernier point de départ. Dès 11 heures du matin, elle était arrivée rue de Valois avec Madame de Béarn, qu'elle tenait sous ses verrous quand elle ne la tenait point sous son sourire, et dont on rafraîchissait à chaque instant la blessure avec tout ce que fournissait de secret la médecine et la chimie. Depuis la veille, Jean du Barry, Chon et Doré étaient à l'œuvre, et qui ne les avait pas vus à cette œuvre se fût fait difficilement une idée de l'influence de l'or et de la puissance du génie humain. L'une s'assurait du coiffeur, l'autre harcelait les couturières. Jean, qui avait le département des carrosses, se chargeait en outre de surveiller couturières et coiffeurs. La comtesse, occupée de fleurs, de diamants, de dentelles, nageait dans les écrins et recevait d'heure en heure des courriers de Versailles qui lui disaient que l'ordre avait été donné d'éclairer le salon de la reine et que rien n'était changé. Vers 4 heures, Jean du Barry rentra pâle, agité mais joyeux. « Eh bien ?» demanda la comtesse. « Eh bien, tout sera prêt. Le coiffeur ? J'ai trouvé Doré chez lui. Nous sommes convenus de nos faits. Je lui ai glissé dans la main un bon de 50 louis. Il dînera ici à 6 heures précises. Nous pouvons donc être tranquilles de ce côté-là. La robe sera merveilleuse. J'ai trouvé Chon qui la surveillait. 26 ouvrières y cousent les perles, les rubans et les garnitures. On aura ainsi fait l'éparler, ce travail prodigieux, qui coûtait 8 jours à d'autres que nous. « Comment les parler ? » fit la comtesse. « Oui, petite sœur, il y a 13 laies d'étoffe. 2 ouvrières pour chaque laie. L'une prend à gauche, l'autre prend à droite chaque laie qu'elles ornent d'applications et de pierreries, de sorte qu'on n'assemblera qu'au dernier moment. C'est l'affaire de 2 heures encore. À 6 heures du soir, nous aurons la robe. Vous en êtes sûr, Jean ? » J'ai fait hier le calcul des points avec mon ingénieur. Il y a 10 000 points parlés, 5 000 par chaque ouvrière. Dans cette épaisse étoffe, une femme ne peut pas coudre plus d'un point en 5 secondes. C'est 12 par minute, 720 par heure, 7 200 en 10 heures. Je laisse les 2 200 pour les repos indispensables et les fausses piqûres, et nous avons encore 4 heures de bon. Et le carrosse ? Oh, quant au carrosse, vous savez que j'en ai répondu. Le vernis sèche dans un grand magasin chauffé exprès à 50 degrés. C'est un charmant vis-à-vis, près duquel, je vous en réponds, les carrosses envoyés au devant de la dauphine sont bien peu de choses. Outre les armoiries qui forment le fond des 4 panneaux, avec le cri de guerre des Dubarry, bouté en avant sur les 2 panneaux de côté, j'ai fait peindre, d'une part, 2 colombes qui se caressent, et de l'autre, un cœur percé d'une flèche, le tout enrichi d'arcs, de carquois et de flambeaux. Il n'y a que chez Francian pour le voir. À 8 heures précises, il sera ici. En ce moment, Chon et Doré rentrèrent. Elles venaient confirmer tout ce qu'avait dit Jean. « Merci, mes braves lieutenants, » dit la comtesse. « Petite sœur, » fit Jean, « vous avez les yeux battus. Dormez 1 heure, cela vous remettra. »« Dormir ? Ah bien oui, je dormirai cette nuit, et beaucoup n'en pourront pas dire autant. » Pendant que ces préparatifs se faisaient chez la comtesse, le bruit de la présentation courait par la ville. Tout désœuvré qu'il est et tout indifférent qu'il paraît, le peuple parisien est le plus nouvelliste de tous les peuples. Nul n'a mieux connu les personnages de la cour et leurs intrigues que le badaud du XVIIIe siècle, celui-là même qui n'était admis à aucune fête d'intérieur, qui ne voyait que les panneaux hiéroglyphiques des carrosses et les mystérieuses livrées des laquais coureurs de nuit. Il n'était point rare alors que tel ou tel seigneur de la cour fût connu de tout Paris. C'était simple, au spectacle, aux promenades, la cour jouait le rôle principal. Et M. de Richelieu, sur son tabouret de la scène italienne, Madame du Barry, dans son carrosse éclatant comme celui d'une reine, posait autant devant le public qu'un comédien aimé ou qu'une actrice favorite de nos jours. On s'intéresse bien plus au visage que l'on connaît. Tout Paris connaissait Madame du Barry, ardente à se montrer au théâtre, à la promenade, dans les magasins, comme les femmes riches, jeunes et belles. Puis il la connaissait encore par ses portraits, par ses caricatures, par Zamor. L'histoire de la présentation occupait donc Paris presque autant qu'elle occupait la cour. Ce jour-là, Il y eut encore rassemblement à la place du Palais-Royal. Mais nous en demandons bien pardon à la philosophie. Ce n'était point pour voir M. Rousseau jouant aux échecs au café de la Régence. C'était pour voir la favorite dans son beau carrosse et dans sa belle robe, dont il avait été tant parlé. Le mot de Jean du Barry, « Nous coûtons cher à la France », était profond, et il était tout simple que la France, représentée par Paris, voulut jouir du spectacle qu'elle payait si cher. Madame du Barry connaissait parfaitement son peuple, car le peuple français fut bien plus son peuple qu'il n'avait été celui de Marie Leszczynska. Elle savait qu'il aimait à être ébloui, et comme elle était d'un bon caractère, elle travaillait à ce que le spectacle fût en proportion de la dépense. Au lieu de se coucher comme le lui avait conseillé son beau-frère, elle prit de 5 à 6 heures un bain de lait. Puis enfin, à 6 heures, elle se livra à ses femmes de chambre en attendant l'arrivée du coiffeur. Il n'y a pas d'érudition à faire à propos d'une époque si bien connue de nos jours, qu'on pourrait presque la dire contemporaine, et que la plupart de nos lecteurs savent aussi bien que nous. Mais il ne sera pas déplacé d'expliquer, en ce moment surtout, ce qu'une coiffure de Madame du Barry devait coûter de soins, de temps et d'art. Qu'on se figure un édifice complet. Le prélude de ces châteaux que la cour du jeune roi Louis XVI se bâtissait tout crénelé sur la tête, comme si tout, à cette époque, eût dû être un présage, comme si la mode fribole, écho des passions sociales qui creusaient la terre sous les pas de tout ce qui était ou de tout ce qui paraissait grand, avait décrété que les femmes de l'aristocratie avaient trop peu de temps à jouir de leurs titres pour ne pas les afficher sur leur front. Comme si, prédiction plus sinistre encore, mais non moins juste, elle leur eût annoncé qu'ayant peu de temps à garder leur tête, elle devait les orner jusqu'à l'exagération et les élever le plus possible au-dessus des têtes vulgaires. Pour natter ses beaux cheveux, les relever autour d'un coussin de soie, les enrouler sur des moules de baleine, les diaprer de pierreries, de perles, de fleurs, les saupoudrer de cette neige qui donnait aux yeux le brillant, au teint la fraîcheur. Pour rendre harmonieux, enfin, ces tons de chair, de nacre, de rubis, d'opale, de diamant, de fleurs omnicolores et multiformes, il fallait être non seulement un grand artiste, mais encore un homme patient. Aussi, seuls de tous les corps de métier, les perruquiers portaient l'épée comme les statuaires. Voilà ce qui explique les 50 louis donnés par Jean du Barry au coiffeur de la cour, et la crainte que le grand Lubin, le coiffeur de la cour à cette époque se nommait Lubin, et la crainte, disons-nous, que le grand Lubin ne fût moins exact ou moins adroit qu'on ne l'espérait. Ces craintes ne furent bientôt que trop justifiées. 6 heures sonnèrent, le coiffeur ne parut point, puis 6 heures et demie, puis 7 heures moins un quart. Une seule chose rendait un peu d'espérance à tous ces cœurs haletants, c'est qu'un homme de la valeur de M. Lubin devait naturellement se faire attendre. Mais 7 heures sonnèrent. Le vicomte craignit que le dîner préparé pour le coiffeur ne refroidît et que cet artiste ne fût pas satisfait. Il envoyait donc chez lui un grison pour le prévenir que le potage était servi. Le laquais revint un quart d'heure après. Ceux qui ont entendu en pareille circonstance savent seuls ce qu'il y a de seconde dans un quart d'heure. Le laquais avait parlé à Madame Lubin elle-même, laquelle avait assuré que M. Lubin venait de sortir et que s'il n'était déjà rendu à l'hôtel, on pouvait être assuré du moins qu'il était en route. « Bon, » dit du Barry, « il aura trouvé quelque embarras de voiture, attendons. »« D'ailleurs, il n'y a rien de compromis encore, » dit la comtesse. « Je puis être coiffée à demi-habillée. La présentation n'a lieu qu'à 10 heures précises. Nous avons encore 3 heures devant nous, et il nous en faut qu'une pour aller à Versailles. En attendant, Chon, montre-moi ma robe, cela me distraira. »« Eh bien, où est donc Chon ? Chon, ma robe, ma robe !» « La robe de madame n'est pas encore arrivée, » dit Doré, « et la sœur de madame la comtesse est partie, il y a 10 minutes, pour l'aller quérir elle-même. »« Ah, » dit du Barry, « j'entends un bruit de roue, c'est sans doute notre carrosse qu'on amène. » Le vicomte se trompait, c'était Chon qui rentrait dans son carrosse, attelé de 2 chevaux ruisselant de sueur. « Ma robe !» cria la comtesse, alors que Chon était encore dans le vestibule. « Ma robe !»« Est-ce qu'elle n'est pas arrivée ?» demanda Chon tout effaré. « Non ?» « Ah bien, elle ne peut tarder, » continua-t-elle en se rassurant, « car la faiseuse, quand je suis montée chez elle, venait de partir en fiacre avec 2 de ses ouvrières pour apporter et essayer la robe. « En effet, » dit Jean, « elle demeure rue du Bac, et le fiacre a dû marcher moins vite que nos chevaux. »« Oui, oui, assurément, » dit Chon, « qui ne pouvait cependant se défendre d'une certaine inquiétude. « Vicomte, dit Madame du Barry, si vous envoyez toujours chercher le carrosse, que nous n'attendions pas de ce côté-là au moins, vous avez raison, Jeanne. » Et du Barry ouvrit la porte. « Qu'on aille chercher le carrosse chez Francian, dit-il, et cela avec les chevaux neufs, afin qu'ils se trouvent tout attelés. » Le cocher et les chevaux partirent. Comme le bruit de leurs pas commençait à se perdre dans la direction de la rue Saint-Honoré, Zamour entra avec une lettre. « Lettre pour maîtresse Barry, dit-il, qui l'a apportée, un homme. Comment un homme? Quel homme? Un homme à cheval. Et pourquoi te l'a-t-il remise à toi? Parce que Zamour était à la porte. Mais lisez, comtesse, lisez plutôt que de questionner, s'écria Jean. Vous avez raison, vicomte. Pourvu que cette lettre ne contienne rien de fâcheux, murmura le vicomte. Et non, dit la comtesse, quelque placet pour sa majesté. Le billet n'est pas plié en forme de placet. En vérité, vicomte, vous ne mourrez que de peur, dit la comtesse en souriant. Il brisa le cachet. Aux premières lignes, elle poussa un horrible cri et tomba sur son fauteuil à demi expirante. « Ni coiffeur, ni robe, ni carrosse, » dit-elle. Jean s'élança vers la comtesse. Jean se précipita sur la lettre. Elle était d'une écriture droite et menue. C'était évidemment une écriture de femme. « Madame, » disait la lettre, « méfiez-vous. Ce soir, vous n'aurez ni coiffeur, ni robe, ni carrosse. J'espère que cet avis vous parviendra en temps utile. Pour ne point forcer votre reconnaissance, je ne me nomme point. Devinez-moi si vous voulez connaître une sincère amie. » « Ah, voilà le dernier coup, » s'écria du Barry, au désespoir. « Sambleu, il faut que je tue quelqu'un. Pas de coiffeur, par la mort, j'éventrerai ce bélitre de Lubin. Mais c'est qu'en effet, voilà 7h30 qui sonne, et il n'arrive pas. Ah, damnation, malédiction !» Et du Barry, qui n'était pas présenté ce soir-là, s'en prit à ses cheveux, qu'il fourragea indignement. « C'est la robe, mon Dieu, c'est la robe !» s'écria Chouan. « Un coiffeur, on en trouverait encore. Oh, je vous en défie. Quel coiffeur trouverez-vous? Des massacres? À tonnerre, à carnage, 1000 légions du diable !» La comtesse ne disait rien, mais elle poussait les soupirs qu'eussent attendris les choisir eux-mêmes, s'ils eussent pu les entendre. « Voyons, voyons, un peu de calme, » dit Chouan. « Cherchons un coiffeur, retournons chez la faiseuse pour savoir ce qu'est devenue la robe. » « Pas de coiffeur, » murmurait la comtesse mourante, « pas de robe, pas de carrosse. »« C'est vrai, pas de carrosse, » s'écria Jean. « Il ne vient pas non plus le carrosse, et cependant il devrait être ici. Oh, c'est un complot, comtesse. Est-ce que Sartine n'en fera pas arrêter les auteurs? Est-ce que Maupeou ne les fera pas pendre? Est-ce qu'on ne brûlera pas les complices en grève? Je veux faire rouer le coiffeur, tenailler la couturière, écorcher le carrossier. » Pendant ce temps, la comtesse était revenue à elle, mais c'était pour mieux sentir l'horreur de sa position. « Oh, pour cette fois, je suis perdue, » murmura-t-elle. « Les gens qui ont gagné Lubin sont assez riches pour avoir éloigné tous les bons coiffeurs de Paris. Il ne se trouvera plus que des ânes qui me hacheront les cheveux, et ma robe, pauvre robe, et mon carrosse tout neuf, qui devait les faire toutes crever de jalousie. » Du Barry ne répondait rien. Il roulait des yeux terribles, et s'allait heurter à tous les angles de la chambre, et à chaque fois qu'il rencontrait un meuble, il le brisait en morceaux, puis si les morceaux lui paraissaient encore trop gros, il les brisait en plus petits. Au milieu de cette scène de désolation, qui du boudoir s'était répandue dans les antichambres et des antichambres dans la cour, tandis que les laquais, ahuris par 20 ordres différents et contradictoires, allaient, venaient, couraient, se heurtaient, un jeune homme en habit vert pomme et veste de satin, en culotte lilas et en bas de soie blanc, descendait d'un cabriolet, franchissait le seuil abandonné de la porte de la rue, traversait la cour, bondissant de pavé en pavé sur les orteils, montait l'escalier et venait frapper à la porte du cabinet de toilette. Jean était en train de trépigner sur un cabaret de porcelaine de Sèvres que la basque de son ami avait accroché, tandis qu'il évitait la chute d'une grosse potille japonaise qu'il avait apostrophée d'un coup de poing. On entendit doucement, discrètement, modestement, frapper 3 coups à la porte. Il se fit un grand silence. Chacun était dans une telle attente que personne n'osait demander qui était là. « Pardon, » dit une voix inconnue, « mais je désirais parler à Madame la comtesse du Barry. » « Mais monsieur, on n'entre point comme cela, » cria le Suisse, qui avait couru après l'étranger pour l'empêcher de pénétrer plus avant. un instant, dit du Barry. Il ne peut pas nous arriver pire que ce qui nous arrive. Que lui voulez-vous à la comtesse ? Et Jean ouvrit la porte d'une main qui eut enfoncé les portes de Gaza. L'étranger esquiva le choc par un bond en arrière et retombant à la troisième position. « Monsieur, dit-il, je voulais offrir mes services à madame la comtesse du Barry, qui est, je crois, de cérémonie. Et quels services, monsieur ? Ceux de ma profession. Quelle est votre profession ? Je suis coiffeur. » Et l'étranger fit une seconde révérence. « Ah ! S'écria Jean, en sautant au cou du jeune homme. « Ah, vous êtes coiffeur. Entrez, mon ami, entrez. »« Venez, mon cher monsieur, venez, » dit Jean, saisissant à bras-le-corps le jeune homme éperdu. « Un coiffeur ! » s'écria madame du Barry, en levant les mains au ciel. « Un coiffeur, mais c'est un ange. Êtes-vous envoyé par Lubin, monsieur ?»« Je ne suis envoyé par personne. » J'ai lu dans une gazette que madame la comtesse était présentée ce soir et je me suis dit, « Tiens, si par hasard madame la comtesse n'avait pas de coiffeur, ce n'est pas probable, mais c'est possible, et je suis venu. »« Comment vous nommez-vous ? » dit la comtesse un peu refroidie. « Léonard, madame. »« Léonard, vous n'êtes pas connu ? » ?»« Pas encore. » »« Mais si madame accepte mes services, je le serai demain. »« fit Jean. » C'est qu'il y a coiffé et coiffé. Si madame se défie trop de moi, je me retirerai. C'est que nous n'avons pas le temps d'essayer, dit Jean. Et pourquoi essayer ? S'écria le jeune homme, dans un moment d'enthousiasme, et après avoir fait le tour de madame du Barry. Je sais bien qu'il faut que madame m'attire tous les yeux par sa coiffure. Aussi, depuis que je contemple madame, ai-je inventé un tour qui fera, j'en suis certain, le plus merveilleux effet. Et le jeune homme fit de la main un geste plein de confiance en lui-même, qui commença à ébranler la comtesse et à faire entrer l'espoir dans le cœur de Jean et de Jean. « Ah, vraiment ! » dit la comtesse, émerveillée de l'aisance du jeune homme qui prenait des poses de hanche comme aurait pu le faire le grand Lubin lui-même. « Mais avant tout, il faudrait que je visse la robe de madame pour harmoniser les ornements. « Oh, ma robe ! » s'écria madame du Barry, rappelée à la terrible réalité. « Ma pauvre robe !» Jean se frappa le front. « Ah, c'est vrai ! » dit-il. « Monsieur ! » Imaginez-vous un guet-apens odieux. On l'a volé. Robe, couturière, tout. Chon, ma bonne Chon. Et du Barry, là de s'arracher les cheveux, se mit à sangloter. Si tu retournais chez elle, Chon, dit la comtesse. À quoi bon, dit Chon, puisqu'elle était partie pour venir ici. Hélas, murmura la comtesse en se renversant sur son fauteuil. Hélas, à quoi me sert un coiffeur si je n'ai pas de robe? En ce moment, la cloche de la porte retentit. Le Suisse, de peur qu'on ne s'introduisît encore, comme on venait de le faire, avait fermé tous les battants et derrière tous les battants poussé tous les verrous. « On sonne !» dit madame du Barry. Jean s'élança aux fenêtres. « Un carton » s'écria-t-elle. « Un carton ? » répéta la comtesse. « Entre-t-il ? » « Oui, non, si, on le remet au Suisse. Courez, Jean, courez au nom du ciel !» Jean se précipita par les montées, devança tous les laquais, arracha le carton des mains du Suisse. Jean le regardait à travers les vitres. Il ouvrit le couvercle du carton, plongea la main dans ses profondeurs et poussa un hurlement de joie. Il renfermait une admirable robe de satin de Chine avec des fleurs découpées et toute une garniture de dentelle d'un prix immense. « Une robe ! Une robe ! » cria Jean en battant des mains. « Une robe ? » répéta madame du Barry, près de succomber à la joie, comme elle avait failli succomber à la douleur. « Qui t'a remis cela, ma roufle ? » demanda Jean au Suisse. « Une femme, monsieur. Mais quelle femme ? Je ne la connais pas. Où est-elle ? Monsieur, elle a passé ce carton au travers de ma porte, m'a crié « Pour madame la comtesse !» est remontée dans le cabriolet qui l'avait amenée et est repartie de toute la vitesse du cheval. « Allons, dit Jean, voilà une robe, c'est le principal. »« Mais montez donc, Jean !» cria Chon, « ma sœur pâme d'impatience !»« Tenez, dit Jean, regardez, voyez, admirez, voilà ce que le ciel vous envoie. » Mais elle ne m'ira point. Elle ne pourra pas m'aller, elle n'a pas été faite pour moi. Mon Dieu, quel malheur! Car enfin, elle est jolie! Jean prit rapidement une mesure. Même longueur, dit-elle, même largeur de taille. L'admirable étoffe, dit du Barry. C'est fabuleux, dit Jean. C'est effrayant, dit la comtesse. Mais au contraire, dit Jean, cela prouve que si vous avez de grands ennemis, vous avez en même temps des amis bien dévoués. Ce ne peut être un ami, dit Jean. Car comment eût-il été prévenu de ce qui se tramait contre nous ? Il faut que ce soit quelque sylphe, quelque lutin. « Que ce soit le diable ! » s'écria madame du Barry. « Peu m'importe, pourvu qu'il m'aide à combattre les Gramont. Il ne sera jamais aussi diable que ces gens-là. »« Et maintenant, dit Jean, j'y pense. Que pensez-vous ? Que vous pouvez livrer en toute confiance votre tête à monsieur. » qui vous donne cette assurance ? Par Dieu, il a été prévenu par le même ami qui nous a envoyé la robe. Moi ? Fit Léonard avec une surprise naïve. Allons, allons, dit Jean. Comédie que cette histoire de gazette, n'est-ce pas, mon cher monsieur ? C'est la vérité pure, monsieur le vicomte. Allons, avouez, dit la comtesse. Madame, voici la feuille dans ma poche, je l'ai conservée pour faire des papillotes. Le jeune homme tira en effet de la poche de sa veste une gazette dans laquelle était annoncée la présentation. Allons, allons, à l'œuvre, dit Chon. Voilà 8 heures qui sonnent. Oh, nous avons tout le temps, dit le coiffeur. Il faut 1 heure, madame, pour aller. Oui, si nous avions une voiture, dit la comtesse. Oh mon Dieu, c'est vrai! Et cette canaille de Francian qui n'arrive pas. N'avons-nous pas été prévenus, dit la comtesse, ni coiffeur, ni robe, ni carrosse? Oh, dit Jean épouvanté. Nous manquerait-il aussi de paroles? Non, dit Jean, non, le voilà. Et le carrosse, dit la comtesse. Il sera resté à la porte, dit Jean. Le Suisse va ouvrir, il va ouvrir. Mais qu'a donc le carrossier? En effet, presque au même instant, maître Francian s'élança tout effaré dans le salon. Ah! « Monsieur le vicomte, s'écria-t-il, le carrosse de madame était en route pour l'hôtel, quand au détour de la rue traversière, il a été arrêté par 4 hommes qui ont terrassé mon premier garçon qui vous l'amenait et qui, mettant les chevaux au galop, ont disparu par la rue Saint-Nicaise. « Quand je vous le disais, » fit du Barry radieux, sans se lever du fauteuil où il était assis en voyant entrer le carrossier, « quand je vous le disais. « Mais c'est un attentat, cela, » cria Chon. « Mais remuez-vous donc, mon frère. « Me remuez, moi, et pourquoi faire ?» Mais pour nous trouver une voiture, il n'y a qu'ici que des chevaux éreintés et des carreaux sales. Jeanne ne peut pas aller à Versailles dans de pareilles brouettes. Bah, dit du Barry, celui qui met un frein à la fureur des flots, qui donne la pâture aux oisillons, qui envoie un coiffeur comme monsieur, une robe comme celle-là, ne nous laissera pas en chemin faute d'un carrosse. Eh, tenez, dit Chon, en voilà un qui roule. Et qui s'arrête même, reprit du Barry. Oui, mais il n'entre pas, dit la comtesse. Il n'entre pas, c'est cela. Dit Jean, puis sautant la fenêtre qu'il ouvrit. « Courez, mordieu » cria-t-il, « courez, ou vous arriverez trop tard. Alerte, alerte, que nous connaissions au moins notre bienfaiteur !» Les valets, les piqueurs, les grisons se précipitèrent, mais il était déjà trop tard. Un carrosse doublé de satin blanc et attelé de 2 magnifiques chevaux bais était devant la porte. Mais de cocher, mais de laquais, pas de traces. Un simple commissionnaire maintenait les chevaux par le mort. Le commissionnaire avait reçu 6 livres de celui qui les avait amenés et qui s'était enfui du côté de la cour des fontaines. On interrogea les panneaux, mais une main rapide avait remplacé les armoiries par une rose. Toute cette contrepartie de la mésaventure n'avait pas duré 1 heure. Jean fit entrer le carrosse dans la cour, ferma la porte sur lui et prit la clé de la porte. Puis il remonta dans le cabinet de toilette où le coiffeur s'apprêtait à donner à la comtesse les premières preuves de sa science. « Monsieur, s'écria-t-il, en saisissant le bras de Léonard. « Si vous ne nommez pas notre génie protecteur, si vous ne le signalez pas notre reconnaissance éternelle, je jure... »« Prenez garde, monsieur le vicomte !» interrompit flegmatiquement le jeune homme. « Vous me faites l'honneur de me serrer le bras si fort que j'aurai la main toute engourdie quand il s'agira de coiffer madame la comtesse. Or, nous sommes pressés. Voici 8h30 qui sonne. « Lâchez, Jean, lâchez !» cria la comtesse. Jean retomba dans un fauteuil. « Miracle !» dit Chon, miracle, la robe est d'une mesure parfaite, 1 pouce de trop long par devant, voilà tout, mais dans 10 minutes, le défaut sera corrigé. Et le carrosse, comment est-il ? Présentable ? Demanda la comtesse. Du plus grand goût. Je suis monté dedans, répondit Jean. Il est garni de satin blanc et parfumé d'essence de rose. Alors tout va bien, cria madame du Barry en frappant ses petites mains l'une contre l'autre. Allez, monsieur Léonard, si vous réussissez, votre fortune est faite. Léonard ne se le fit pas dire 2 fois. Il s'empara de la tête de madame du Barry, et au premier coup de peigne, il révéla un talent supérieur. Rapidité, goût, précision, merveilleuse entente des rapports du moral avec le physique, il déploya tout dans l'accomplissement de cette importante fonction. Au bout de 3 quarts d'heure, madame du Barry sortit de ses mains, plus séduisante que la déesse Aphrodite, car elle était beaucoup moins nue et n'était pas moins belle. Lorsqu'il eut donné le dernier tour à cet édifice splendide, lorsqu'il en eut éprouvé la solidité, lorsqu'il eut demandé de l'eau pour ses mains et humblement remercié Chon, qui, dans sa joie, le servait comme un monarque, il voulut se retirer. « Ah, monsieur, dit du Barry, vous saurez que je suis aussi entêté dans mes amours que dans mes haines. J'espère donc maintenant que vous voudrez bien me dire qui vous êtes. Vous le savez déjà, monsieur, Je suis un jeune homme qui débute et je m'appelle Léonard. Qui débute, sangbleu, vous êtes passé maître, monsieur. Vous serez mon coiffeur, monsieur Léonard, dit la comtesse en se mirant dans une petite glace à main, et je vous payerai chaque coiffure de cérémonie 50 louis. Chon, compte 100 louis à monsieur pour la première, il y en aura 50 de denier à Dieu. Je vous le disais bien, madame, que vous feriez ma réputation. Mais vous ne coifferez que moi. Alors gardez vos 100 louis, madame, dit Léonard, je veux ma liberté. C'est à elle que je dois d'avoir eu l'honneur de vous coiffer aujourd'hui. La liberté est le premier des biens de l'homme. Un coiffeur philosophe, s'écria du Barry en levant les deux mains au ciel. Où allons-nous, Seigneur mon Dieu, où allons-nous? Eh bien, mon cher monsieur Léonard, je ne veux pas me brouiller avec vous. Prenez vos 100 louis et gardez votre secret et votre liberté. En voiture, comtesse, en voiture. Ces mots s'adressaient à madame de Béarn, qui entrait raide et parée comme une chasse, et qu'on venait de tirer dans son cabinet juste au moment de s'en servir. Allons, allons, dit Jean, qu'on prenne madame à 4 et qu'on la porte doucement au bas des degrés. Si elle pousse un seul soupir, je vous fais étriller. Pendant que Jean surveillait cette délicate et importante manœuvre, dans laquelle Chon le secondait en qualité de lieutenant, madame du Barry cherchait des yeux Léonard. Léonard avait disparu. Mais par où donc est-il passé? Murmura madame du Barry, encore mal revenue de tous les étonnements successifs qu'elle venait d'éprouver. Par où il est passé? Mais par le parquet ou par le plafond? C'est par là que passent les génies. Maintenant, comtesse, prenez bien garde que votre coiffure ne devienne un pâté de grives, que votre robe ne se change en toile d'araignée, et que nous n'arrivions à Versailles dans un potiron traîné par deux rats. Ce fut sur l'énonciation de cette dernière crainte que le vicomte Jean monta à son tour dans le carrosse où avait déjà pris place madame la comtesse de Béarn et sa bienheureuse filleule.